fermeture des portes. Attention au départ. Tonnerre mouille mon museau. Heureux je suis. L'aventure est terminée. La quête est toute trouvée. Lucide est le froid. Lucide nos petits doigts. Attention à la fermeture des portes. À la fermeture des portes. Soleil brûle nos museaux. Attention aux museaux. Demain décuple les voies. Y'a des éclairs et on aboie. Heureux je suis. Heureux je fuis. Laisse retentir les airs de ce putain de gros vaisseau. Regarde comme il est beau, comme il fait froid dans le dos. Laisse retentir les airs de ce putain de gros vaisseau. Regarde comme il est beau, comme il fait froid dans le dos. À la fermeture des portes.